to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things, and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from the friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. 6h-9h sur Skyrock. Le morning rap et R&B. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car. Sors de la piste, fais une grande carte de bandage. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises rien, si tu me parles rien, si tu me touches rien. And we be bubbling, yo. Bubbling, yo. Set the minor tease, we gotta take it slow.